إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc comme je le disais la semaine dernière, on continue les biographies des savants, rahimahumullah ta'ala. Donc j'avais jugé bon de faire une petite trêve concernant le livre Al-Wajiz sur la jurisprudence, vu que pendant les vacances les gens ne sont pas présents, la plupart ne sont pas présents. Or les cours de tahara, les cours de fiqh, plus particulièrement de la purification, sont des cours importants. Et les gens n'ont pas beaucoup de notions à ce sujet, donc j'ai préféré faire une pause et pendant cette pause faire les biographies des savants rahimahumullah ta'ala. Donc la semaine dernière on avait parlé de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayh, on avait parlé de sa biographie, de sa vie et de tout ce qu'il a entrepris et apporté à la communauté musulmane. Et aujourd'hui on va parler de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Donc on va parler de sa vie et de tout ce qu'il a pu y entreprendre. Donc son nom, sa kunya était Abu Abdillah. La kunya de Cheikh Ibn Uthaymeen était Abu Abdillah, la même kunya que Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz également avait pour kunya Abu Abdillah. Abu Abdillah Ibn Salih, donc c'était Muhammad. Son prénom était Muhammad, le fils de Salih, le fils de Sulayman, le fils d'Abdurrahman, le fils de Uthman, Ibn Uthman, qui faisait partie de la famille appelée Al-Ris, Al-Wahibi Al-Tamimi. Et son quatrième grand-père, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, qui se prénommait Uthman, était connu, on l'appelait Uthaymeen. Donc c'est de là que vient ce nom Uthaymeen. Le nom Uthaymeen vient de... C'est le nom qui était donné à l'arrière, arrière, arrière, arrière grand-père de Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc, il a été appelé ainsi. Il est né la 27e nuit du Ramadan de l'année égérienne 1347, qui correspond à peu près l'année 1900. Qui peut me dire? 1927. Et on a vu la semaine dernière que Cheikh Ibn Baz, lui, est né en l'an de l'Hégire 1330. Donc la différence entre les deux est de 17 ans. Non. Il est né dans la ville de Unayza, une des villes de Al-Qasim en Arabie Saoudite. Cheikh Ibn Uthaymeen a grandi dans une famille qui était connue pour suivre la religion, pour l'appliquer avec sérieux. Il a même été l'élève de certains membres de sa famille, dont son grand-père, qui s'appelait Cheikh Abdurrahman ibn Sulayman al-Damir. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a lu et a appris le Coran de son grand-père, rahimallah al-jami'. Et ensuite, après avoir appris le Coran, Cheikh Ibn Uthaymeen s'est dirigé vers l'apprentissage de la science, en apprenant entre autres l'écriture, en apprenant à compter et d'autres sciences. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh, après avoir appris le Coran par cœur de son grand-père, ceci lorsqu'il était très jeune, Shir rapporte même sur lui-même et dit que avant même d'avoir atteint les 15 ans, Cheikh Ibn Uthaymin disait qu'il connaissait par cœur le Coran, qu'il connaissait par cœur Zad al-Mustaqni', qui est un livre dans la jurisprudence Hanbalite, dans le fiqh Hanbali. C'est un livre qui doit faire 150-200 pages, 150 pages à peu près. De même qu'il connaissait par cœur Alfiyat ibn Malik. Ce sont 1000 vers écrits par Ibn Malik dans la science, dans la grammaire arabe. Cheikh rahimahullah ta'ala était très sérieux et était enthousiaste dans l'apprentissage de la science. Malgré les moyens minables entre guillemets qui étaient à leur disposition à l'époque. Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'à l'époque, il n'avait en sa possession que le livre Ar-Rawd al-Murabbi', qui est une explication du livre justement Zad al-Mustaqni'. Ar-Rawd al-Murabbi' est un livre qui explique Zad al-Mustaqni', toujours dans la jurisprudence Hanbalite. Et Cheikh Rahimahullah lisait de ce livre, et il disait aussi qu'il était logé dans une chambre en terre cuite au-dessus d'une vacherie. Vous connaissez une vacherie? C'est l'étable des vaches, là où les vaches sont déposées. Et Cheikh Rahimahullah, c'était là-bas qu'il habitait dans sa jeunesse lorsqu'il apprenait la science. Et Cheikh Rahimahullah ta'ala a été connu depuis son petit jeune âge pour sa grande intelligence. Cheikh Rahimahullah alayh était un cheikh doté d'une extrême intelligence. Il était très très intelligent, Rahimahullah ta'ala. Et il s'efforçait de côtoyer les savants et de prendre d'eux la science. Et parmi eux, Cheikh Sa'di, Rahimahullah ta'ala. Le mufti de Unayza, celui qui a écrit le livre Taysir al-Karim al-Rahman, qui est le tafsir d'Ibn Sa'di, connu chez tout le monde par le tafsir d'Ibn Sa'di. C'est un exégèse du Coran que les savants conseillent aux débutants. C'est même le meilleur, le meilleur exégèse qui peut être conseillé aux débutants qui veulent apprendre le tafsir. Le premier livre qu'on leur conseille, c'est le tafsir d'Ibn Sa'di, rahimahullah, car c'est un tafsir qui est simple, concis et explicite. Et Cheikh Ibn Sa'di avait deux élèves à qui il avait confié la tâche d'enseigner aux petits étudiants. Et parmi les petits, à cette époque, il y avait Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a commencé à apprendre des élèves de Cheikh Sa'di, rahmatullahi alayhi. Il a appris de Mukhtasar al-Aqid al-Wasatiyya, le résumé de al-Aqid al-Wasatiyya du Cheikh lui-même, de Cheikh Sa'di, c'est lui qui l'a résumé. Il a appris aussi de ses élèves Minhaj al-Salikin, un livre aussi de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans le fiqh, dans la jurisprudence. C'est un livre qui est connu, pas traduit en français encore. Pas traduit en français. C'est un livre, un résumé dans le fiqh que les savants utilisent beaucoup et expliquent. De même qu'il a appris d'eux Al-Ajrumiyya, un livre dans la grammaire arabe, et Al-Fiyat ibn Malik, qui est, comme je vous ai dit, les 1000 vers dans la grammaire arabe. Et ensuite, Cheikh Rahimahullah a voyagé à Riyad, à l'époque où Al-Ma'had Al-Ilmi, le centre islamique, des études islamiques, a ouvert là-bas. À sa deuxième année après l'ouverture, Cheikh Rahimahullah, après avoir demandé l'autorisation à son cheikh, est parti là-bas pour apprendre la science. Et Cheikh raconte que ce centre d'études islamiques était divisé en deux. Il y avait une section publique et une section privée. Et Cheikh Rahimahullah, lui, était dans la section privée. Et parmi les choses qui étaient bien et qui étaient profitables à Cheikh dans ce centre d'études islamiques, c'est qu'il avait possibilité de sauter une année, à condition d'apprendre et d'étudier cette année-là pendant les vacances. Donc le cheikh étudiait son année scolaire normale, et pendant les vacances, il étudiait l'année suivante, pendant les vacances. Et ensuite, à la rentrée, il passait un examen, Et si l'examen était réussi, le cheikh est passé à l'année d'après, directement. Donc ça lui permettait de gagner du temps. Cheikh Rahimahullah l'a dit lui-même. Et j'ai gagné beaucoup de temps en utilisant ce moyen. Car il sautait à chaque fois une année, tous les ans, tous les étés, il sautait une année. Et l'année qui suit, Cheikh Rahimahullah l'étudiait pendant la période des vacances scolaires. Donc une période très courte. Ce qui nous prouve encore, ce qui nous montre la grande intelligence de ce Cheikh Rahimahullah Ta'ala. Parmi ses professeurs, comme je vous l'ai dit, le premier, celui qui est considéré comme son premier professeur, est Cheikh Abdul Rahman Al-Sa'di. Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a énormément côtoyé, a beaucoup appris de lui. Il a appris de lui la science du Tawhid, donc dans la foi, qui rentre dans le cadre de la foi musulmane. Il a appris aussi al-tafsir, l'exégèse du Coran, l'explication du Coran. Il a appris de son cheikh également al-sir al-nabawiyyah, la vie du prophète alayhi sallam. Il a appris la jurisprudence, les bases de la jurisprudence. Il a appris également tout ce qui concerne l'héritage. Il a appris la science du hadith. Il a appris la grammaire, la conjugaison de son cheikh Abdul Rahman al-Sa'di. Sans oublier tout ce qu'il a appris de son cheikh au niveau comportemental. Il a appris de son cheikh la science, comment appliquer la science. Il a appris aussi de son cheikh la facilité, l'abstinence dans cette vie d'ici-bas, az-zuhd en arabe, le fait de ne pas donner d'importance à cette vie. Et az-zuhd, les savants l'ont défini et ont dit que c'est délaisser ce qui ne t'apporte rien dans l'au-delà. Az-zuhd, c'est ça. Une personne de zahid, c'est une personne qui délaisse dans cette vie d'ici-bas ce qui n'est pas profitable dans la vie de l'au-delà. Il y a des choses dans cette vie d'ici-bas que l'on fait mais qui ne nous sont pas profitables dans l'au-delà. Et az-zuhd, c'est justement de délaisser ces choses. De même que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a beaucoup été touché par son Cheikh Abdul Rahman al-Sa'di dans sa façon de donner des cours, dans sa façon d'enseigner aux élèves. Cheikh Sa'di avait une façon unique. Parmi ses professeurs également, il y a Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz était un professeur, était un des shuyukh de Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsqu'il était à Riyad, a profité de la présence de Cheikh Ibn Baz là-bas pour apprendre de lui la science. Il a appris de lui Sahih al-Bukhari, il a lu sur lui plutôt Sahih al-Bukhari et quelques livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres livres dans le cadre du fiqh, dans le cadre de la jurisprudence islamique. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit en parlant de Cheikh Ibn Baz, j'ai beaucoup été frappé par Cheikh Ibn Baz quant à l'importance qu'il donnait au hadith, de même que j'ai été touché par son comportement et son aisance avec les gens. Parmi ses shuyukh aussi, parmi ses professeurs, Cheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti. Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti est un des grands savants de ce siècle, un Mauritanien, qui est décédé en an 1393 de l'Égypte, donc à peu près dans les années 1973. Il était connu pour son tafsir appelé Adwa'ul Bayan. Il n'est pas traduit en français. Adwa'ul Bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an. C'était un savant réputé pour sa grande science, réputé pour sa grande connaissance de la langue arabe. Cheikh Al-Albani dit de lui, lorsqu'il donnait une conférence, lorsqu'il donnait un cours, on avait l'impression que le Coran était en face de lui. Dans Cheikh Rahimahullah, Ibn Al-Albani a dit ça pour montrer la facilité qu'avait Al-Amin Al-Shinqiti Rahimahullah à citer les versets du Coran, à citer les preuves du Coran. C'est pas une chose facile de parler d'un sujet et de citer tous les versets dans le Coran qui sont en rapport avec ce sujet. Le Coran fait 600 pages, plus de 600 pages. J'ai dit par exemple Az-Zakat. Cite-moi tous les versets dans le Coran qui parlent de Az-Zakat. C'est pas n'importe qui veut faire ça. tu peux m'en citer un, deux, mais de là à me citer quasiment tous les versets en rapport avec Zakat dans le Coran, comme ça, sans, de tête, c'est pas une chose facile. Et l'Amin al-Shinqiti, rahimahullah, utilisait les versets avec une telle facilité qu'on avait l'impression que le Coran était en face de lui. On avait l'impression qu'il avait le Coran entre les mains et qu'il lisait. Et Cheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah, a appris de Cheikh al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah, à Riyad, dans le centre justement d'études islamiques. Et Cheikh ibn Uthaymeen rapporte et dit que, il dit, nous étions élèves, nous étions étudiants dans le centre islamique de Riyad. Donc, il dit nous, lui et les élèves qui étaient dans sa classe, nous étions assis dans la classe et le cheikh est entré dans la classe. Et lorsque je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un bédouin. Cheikh ibn al-Azamin, c'est lui qui raconte lui-même. Mais c'est un bédouin. Je ne pense pas qu'il ait de la science à nous apporter. Et Cheikh Rahimallah décrivait la tenue de Cheikh al-Amin al-Shinqiti était une tenue très modeste. Il n'avait pas de, on ne pouvait pas reconnaître que c'était un cheikh, on ne pouvait pas reconnaître que c'était un savant. En général, les savants, lorsqu'ils donnent un cours, ils sont bien habillés, ils sont habillés d'une façon qui les différencie, qui les distingue des autres. Mais l'Amin al-Shinqiti, Rahimallah, est rentré dans la classe, habillé normalement, très modestement, à tel point que Ibn Uthaymeen, Rahimallah, a pensé que c'était un bédouin. Et qu'il n'avait aucune science à leur apporter. Et Cheikh Ibn Uthaymeen s'est dit aussi, et j'ai pensé à mon Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Et je me suis dit, j'ai laissé Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, je suis venu ici, m'asseoir devant un bédouin. Il avait des remords à la première vision de Cheikh Al-Amin al-Shinqiti. Et ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen continue et dit, mais lorsque le Cheikh a commencé son cours, lorsque l'Amin al-Shinqiti a commencé son cours, c'est là où la science sortait de sa bouche. C'est là où on a appris énormément de choses de ce cheikh, et c'est là où on s'est rendu compte que c'était un grand savant, un immense savant de l'islam. Et nous avons beaucoup appris de lui, que ce soit dans la science et également dans son comportement. Rahimahullah ta'ala. Parmi les shuyukh de Cheikh Ibn Uthaymeen, il y a aussi Abdul Razzaq al-Afifi. Rahimahullah ta'ala, qui lui était un des grands savants d'Arabie Saoudite, il a appris de lui la science de la grammaire et al-balara. Al-balara, je ne sais pas comment traduire en français. La rhétorique. La rhétorique, c'est la façon de parler, de s'exprimer. Al-balara, c'est une science qui permet d'apprendre la façon de s'exprimer, de parler, les termes qu'il faut utiliser, etc. Quant aux élèves de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullahi alayh, il n'est pas possible de les énumérer. Ils sont trop nombreux pour pouvoir les énumérer. Parmi les dernières années de Cheikh où il a donné ses cours, à ses cours assistaient à peu près 500 élèves au cours de Cheikh, rahimahullah ta'ala. Parmi les travaux que Cheikh a fait, il a commencé à enseigner l'année 1370 de l'Hégire, donc à peu près à l'année 1950. Le cheikh avait combien, avec quel âge à cette époque? Il est né en 47 de l'Hégire. Il a commencé son premier cours à 1370. Le cheikh avait 23 ans. La première fois qu'il commençait à donner ses cours, le cheikh rahimallah avait 23 ans. Il donnait ses cours dans la grande mosquée de Al-Unayza, et ceci encore à l'époque du vivant de son cheikh Ibn Sa'd. Mais cheikh rahimahullah donnait des cours, mais c'était des cours qui étaient très restreints et qui n'étaient pas réguliers. Et ensuite, après que cheikh soit sorti de Riyad et fini d'étudier dans le centre islamique de Riyad, il était désigné professeur dans le centre d'études islamiques de Unayza, de la ville où il habitait, et ceci dans l'année 1374, donc en 1954. Puis dans l'année 1376 de l'Hégire, donc l'année 1956, son cheikh Abdurrahman al-Sa'di décède, et cheikh Ibn Uthaymeen Donc, Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, lui est décédé, il avait 69 ans. Rahimahullah ta'ala. Il est décédé, il avait 69 ans. Et ceci nous rappelle le hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui dit A'mar ummati bayna sittin wa sab'in. Et un hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam que Cheikh al-Albani a authentifié que l'âge des gens de ma communauté varie ou oscille entre 60 et 70 ans. Wama l'offre du hadith, je ne le connais pas exactement. Et dans le hadith, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit et ne surpasse que très peu. Ceux qui vivent plus de 70 ans sont très peu. C'est comme ça dans le hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les annotations du Cheikh al-Albani, rahimallah, lorsqu'il a fait une annotation sur ce hadith, il a dit « Et moi, je fais partie de cette minorité. » Le Cheikh al-Albani fait partie de cette minorité. Il dit « Je fais partie de cette minorité. J'ai aujourd'hui 84 ans. » J'ai aujourd'hui 84 ans. Donc, c'était seulement pour vous citer ce hadith, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Le prophète alayhi salatu wasalam dit « L'âge des gens de ma communauté et al-umma ici dans ce hadith il englobe quelle communauté? On avait vu les communautés qu'il y avait en islam, il y en a deux, ummat al-da'wa ou ummat al-ijaba. Vous vous rappelez ou pas? Non? La communauté ummat al-da'wa, c'est la communauté, ce sont les gens qui sont venus après la mort du prophète alayhi salatu wasalam jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin du monde. Ceci, c'est la communauté du prophète alayhi salatu wasalam, les savants l'appellent ummat al-da'wa, c'est-à-dire la communauté envers qui l'appel de l'islam est dirigé. Donc elle englobe les musulmans et les non-musulmans. Il y a ummat al-ijaba et la communauté qui a répondu à l'appel, que les savants appellent ummat al-ijaba, ce sont les musulmans, ceux qui ont embrassé l'islam, ceux qui sont musulmans. Parmi les preuves de la première communauté, la communauté d'appel envers qui l'appel de l'islam est dirigé, le hadith du prophète Hassan qui dit la yu'minu ahadun min hadhihi al-umma yahudi aw nasrani la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi aw nasrani thumma la yu'min billadhi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Aucune personne de cette communauté, le prophète Hassan a dit comme ça, de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entend parler de moi sans avoir cru en la chose qui m'a été révélée, c'est-à-dire le Coran, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc le prophète A.S. dans ce hadith a dit « La yasma'u bi ahadu min hadhi al-ummah yahudi aw nasrani » Aucune personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien. Mais est-ce que les juifs et les chrétiens font partie de la communauté musulmane? Non, ils font partie de ummat al-da'wa, la communauté envers qui l'appel de l'islam est dirigé. Donc ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, après la mort de son Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, a succédé à son Cheikh dans l'imamah de la mosquée. Le Cheikh al-Sa'di était lui qui présidait la prière et qui faisait le prône du vendredi dans la grande mosquée de Unayza. Et à la mort de Cheikh, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, l'a succédé dans cette tâche. Et Cheikh Rahimahullah donnait des cours ensuite, après la mort de son Cheikh, donnait des cours dans une bibliothèque qui était une succursale de justement la mosquée de Unayza. Cheikh Rahimahullah donnait des cours là-bas, et lorsque les élèves ont été de plus en plus nombreux et que la bibliothèque ne suffisait plus, Cheikh Rahimahullah donnait directement ses cours dans la grande mosquée de Unayza. Il n'a cessé, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, n'a cessé d'enseigner dans la mosquée, d'être imam dans la mosquée de Unayza, d'être khatib, de donner le prône du vendredi et d'y donner des cours jusqu'à la fin de ses jours. Il était aussi professeur dans l'université, dans la succursale de l'université de Riyad à Unayza. Donc la grande université de Riyad, elle a des succursales un peu partout dans l'Arabie, et entre autres à Unayza. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah était un professeur dans cette succursale de Uneiza. Il enseignait les bases de la religion. Et ceci également jusqu'à la fin de ses jours. Cheikh rahimahullah a donné aussi des cours dans la mosquée de la Mecque, dans la mosquée de Médine, pendant la période du Hajj, pendant la période du Ramadan également, et durant les vacances scolaires. Il donnait aussi des conférences partout en Arabie. Ensuite, il a été président d'une association, de l'association de l'apprentissage du Coran à Uneiza, depuis sa création en l'année égérienne 1405, qui correspond à l'année 1994, et ceci également jusqu'à la fin de ses jours. Il faisait aussi partie des membres de Hayat Kibar al-Ulama, du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Cheikh Ibn Uthaymeen faisait partie des membres de ce comité depuis l'année 1407 de l'Hégire jusqu'à sa mort. Donc l'année 1407 qui correspond à l'année 1997. De même, en plus de tous les travaux de Cheikh, il avait une grande responsabilité et apportait son aide aux gens, que ce soit en subvenant à leurs besoins, jour et nuit, qu'ils soient à Uneiza ou qu'ils soient en voyage, et de même que Cheikh rahimahullah répondait à leurs questions. Cheikh rahimahullah, comme je vous ai dit, donnait beaucoup de conférences partout en Arabie. Il en donnait à Riyad, à Jeddah, à Médine et dans d'autres villes de l'Arabie. Il ne se contentait pas uniquement de les donner dans les mosquées, mais Cheikh rahimahullah donnait aussi des cours, des conférences dans les casernes militaires. Cheikh rahimahullah allait même dans les casernes militaires pour y donner cours aux personnes. Ce qui explique les choses, ce qui explique la popularité de Cheikh rahimahullah. Cheikh rahimahullah était populaire à peu près dans les 20 dernières années de sa vie, à peu près. Un de ses élèves raconte qu'en 1402, c'est-à-dire en 1992, Cheikh rahimahullah n'avait qu'une dizaine d'élèves. N'avait qu'une dizaine d'élèves. Et c'est au fur et à mesure du temps que les élèves ont commencé, que le nombre des élèves a commencé à croître. Parmi les choses qui expliquent sa popularité, il y a tout d'abord sa sincérité dans l'apprentissage du ilm, rahimahullah ta'ala, et dans le fait qu'il enseignait beaucoup. Il enseignait beaucoup. Aussi, parmi ce qui explique sa popularité, c'est qu'il donnait des cours et des conférences à la Mecque, comme je vous ai dit, pendant le mois du Ramadan, où un grand nombre d'élèves se rassemblaient autour de lui. Parmi les choses qui expliquent aussi sa popularité, c'est la facilité qu'il avait à s'exprimer, et la facilité également qu'avaient les gens à comprendre ses paroles. Parmi les choses qui expliquent sa popularité également, c'est le bien fondé de son manhaj. Cheikh rahimahullah suivait le manhaj des salaf, suivait la voie des pieux prédécesseurs. Parmi aussi les causes de sa popularité, c'est que Cheikh rahimahullah ta'ala ne suivait pas al-madhhab al-hanbali aveuglément. Cheikh rahimahullah, comme vous savez, le madhhab, le rite juridique qui est répandu en Arabie, c'est le rite hanbalite, qui suit l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Et Cheikh rahimahullah suivait ce madhhab, mais lorsque la vérité lui apparaissait, lorsque le dalil était clair, lorsque le hadith était clair, Cheikh rahimahullah s'empressait de suivre le verset ou le Coran. Et lorsque la vérité lui apparaissait, il ne regardait plus le madhhab, il ne donnait plus d'importance au madhhab à ce sujet. Et à titre de remarque, concernant le fait de suivre un madhhab, les savants ont parlé sur ce sujet. La chose unanime que les savants condamnent, c'est de suivre un madhhab aveuglément. At-ta'assub al-madhhabi, les savants disent « hada haram ». de suivre un madhhab bien particulier aveuglément, ceci est interdit en islam. Par contre, pour un jeune étudiant qui veut apprendre les sciences religieuses, de commencer à apprendre la science religieuse à travers un madhhab, ceci est autorisé. Par exemple, au Maroc, supposons, une personne qui veut étudier la science religieuse, elle peut commencer par apprendre en utilisant ou via le rite hanbali, le rite malikite, selon le fiqh maliki, à condition que lorsque la vérité lui apparaît, il doit la suivre. Et ensuite, au fur et à mesure de son apprentissage, et au fur et à mesure où il va accroître, où sa science va accroître, cet élève pourra différencier le vrai du faux. Ensuite, et suivre la vérité là où elle lui apparaîtra. Mais au début, les savants disent qu'il est autorisé d'apprendre la religion au début en suivant un fiqh, en suivant une école parmi les quatre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah était connu pour ça, pour suivre la vérité lorsqu'elle lui apparaissait. Comme était connu auparavant, avant lui, son Cheikh Abdurrahman al-Sa'di était connu lui aussi pour ne pas suivre le rite Hanbalite, à tel point que certains savants de Buraïda, donc la ville qui est proche de Unayza, à peu près 25 km, reprochaient cela à Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Lui reprochaient le fait que Cheikh Abdurrahman al-Sa'di ne suive pas le rite Hanbalite. Et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, lui, était plus suivi la vie de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, de son élève Ibn al-Qayyim. Car les sujets qui sont traités par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, les savants disent que, alaykum salam, que les sujets traités par ces savants, ils ne laissent aucune ouverture après eux. Subhanallah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il étudie un sujet, lorsqu'il part dans un sujet, il explique quasiment toute chose et ne laisse à celui qui vient après étudier ce sujet, il ne laisse aucun champ d'exploitation. Il ne peut plus rien exploiter de ce sujet. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a déjà tout exploité dedans. De même pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et les savants de notre époque suivent beaucoup les avis et les tarjihat de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Mais cela ne veut dire en aucun, mais cela ne veut pas dire que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est une personne parfaite, qui ne fait pas d'erreur. Non. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points où Cheikh Ibn Uthaymeen diverge et est en désaccord avec Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parmi ces choses-là, par exemple, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallah, autorise à un homme de se marier avec deux sœurs de lait. Car en islam, vous savez qu'il interdit à un homme de se marier en même temps avec deux sœurs. Le Coran est clair à ce sujet. Un musulman n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs en même temps. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lui, considère que le verset est propre aux sœurs de sang et non aux sœurs de lait. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah le contredit à ce sujet. Parmi aussi les choses où Cheikh Ibn Uthaymeen contredit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit qu'il est autorisé à une personne de prendre de la poussière, de la terre, et de la mettre sur son visage pour montrer son rabaissement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah le contredit à ce sujet et dit que cet acte est une adoration, et la base dans l'adoration, c'est l'abstenance jusqu'à la preuve du contraire. La base dans l'adoration, c'est l'abstenance jusqu'à la preuve du contraire. Donc et parmi les points que les savants d'Arabie contemporains ont suivi et qui a un peu bouleversé ce qui était connu en Arabie, c'est au niveau du divorce. Ce qui est connu dans le fiqh Hanbali, c'est qu'une personne, un homme qui dit à sa femme « tu es divorcé trois fois », elle est considérée comme étant divorcée trois fois. Et vous savez qu'une femme qui a été divorcée trois fois, son mari n'a plus le droit de se marier avec elle jusqu'à temps qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, qu'elle divorce. À ce moment-là, son mari aura le droit de se remarier avec elle. mais de se remarier dans un mariage licite, dans un mariage comment dire, un mariage sincère, parce que malheureusement il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font, ils font ce que les savants appellent nikah al-tahlil. Car par exemple, une personne qui a divorcé de sa femme 3 fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à une personne, marie-toi avec ma femme et divorce de suite après. Comme ça, elle aura été mariée avec toi, tu l'auras divorcée, et ensuite je pourrai la récupérer. Là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. La'anallahu al-muhallil wal-muhallala lahu. Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui fait ce mariage-là et celui pour qui il est fait. D'accord? Et Cheikh Hussain Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que lorsqu'un homme dit à sa femme, tu es divorcé 3 fois, elle n'est comptabilisée comme, il n'est comptabilisé comme un seul divorce, et non 3. Et non 3. Et cet avis, Cheikh Ibn Baz rahimahullah l'a suivi, et Cheikh Ibn Taymiyyah également l'a suivi, Cheikh Al-Albani à notre époque l'a suivi également, alors qu'auparavant en Arabie, il était connu qu'une personne qui dit à sa femme, tu es divorcé 3 fois, elle était divorcée 3 fois. Et le premier qui était connu pour ça, était Cheikh Ibn Baz, le premier à être connu en Arabie pour suivre l'avis de Cheikh Hussain Ibn Taymiyyah à ce sujet, et Cheikh Ibn Baz, d'où le fait que beaucoup de gens se sont dirigés vers Cheikh pour lui poser des questions sur le divorce, contrairement aux autres majeurs. Parmi aussi les choses qui ont contribué à la réputation de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, c'est qu'il acceptait les invitations qui lui étaient faites pour donner des conférences, et ceci dans toutes les villes d'Arabie. Aussi, ce qui a contribué à la réputation de Cheikh, c'est le grand nombre de ses cassettes. La plupart des cours de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ont été enregistrés et diffusé dans le monde entier. Notamment, si vous allez sur le site islamway.com, vous verrez plus de 3000 cassettes de Cheikh, rahimahullah. 3000 cassettes de Cheikh, où la plupart de ces cassettes sont des explications de livres. Cheikh, rahimahullah, explique Al-Wasitiyya, explique Al-Tadmuriyya, explique Al-Hamawiyya, qui sont des livres dans la Aqidah. Il explique Bulugh al-Maram dans la jurisprudence, il explique Al-Ajrumiyya, Al-Fiyat ibn Malik. Des livres, des dizaines et des dizaines de livres que Cheikh a expliqué, rahimahullah. Et dans ses explications, le Cheikh explique le livre et ensuite vient après les questions de ses élèves. Donc une personne qui a la possibilité de comprendre l'arabe, ou qui a la capacité de comprendre l'arabe, il écoute les cassettes de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est comme s'il était assis devant. C'est comme s'il était assis devant Cheikh. Cheikh donne son cours, la personne n'a qu'à prendre le livre, le suivre, écouter l'explication du Cheikh, ensuite à la fin, les questions-réponses sur le Cheikh, sur le sujet bien précis. Alhamdulillah, la personne peut apprendre sa religion de cette façon, à notre époque. Quant à son comportement, rahimahullah ta'ala, il était connu pour être indifférent et à renoncer à cette vie d'ici-bas. Le roi lui avait offert un grand immeuble. Cheikh Rahimahullah de suite l'a donné aux étudiants en sciences religieuses et a dit cet immeuble là il sera dédié à loger les étudiants en sciences religieuses exclusivement. Cheikh Rahimahullah ta'ala a longuement habité dans une maison en terre cuite. Et n'en est sorti qu'après beaucoup d'efforts de la part de ses enfants. Cheikh Rahimahullah est sorti de cette maison par pression de ses enfants, après pression de ses enfants. C'est les enfants qui lui ont dit, Cheikh, tu ne peux plus rester dans cette maison, il faut absolument que tu prennes une autre maison, un peu plus présentable et un peu plus solide, etc. Et moins modeste que cette maison intercule. Et c'est après maintes efforts que Cheikh Rahimahullah a cédé à la pression de ses enfants. De même que Cheikh Rahimahullah était connu lorsqu'on lui donnait une grosse somme d'argent, sur le champ d'informer que cette somme allait être dédiée aux étudiants en sciences religieuses. Sur le champ. Et un de ses élèves qui était parti en visite aux États-Unis rapporte et raconte qu'avant son départ, Cheikh Rahimahullah l'a appelé et lui a dit: Oh Abdullah, il s'appelait Abdullah, l'élève, il n'y a que moi et toi et Allah qui nous voit. Je te donne cette somme qui fait partie de mon argent personnel. Et l'élève dit que c'était une somme très importante. Et Cheikh Rahimahullah a dit: Je te donne cette somme, lorsque tu iras aux États-Unis, achète avec cette somme des livres, des masahif, achète des Corans et distribue-les dans les prisons américaines. Et distribue-les dans les prisons américaines. Et je te demande, donc le cheikh dit toujours à son élève, et je te demande de ne le répéter à personne. Et je te demande de ne le répéter à personne. Ensuite, cet élève, après la mort de cheikh, a jugé bon de citer cette anecdote afin que les gens en profitent. Donc Cheikh Rahimahullah aidait beaucoup les musulmans, il a rapporté beaucoup de son aide, mais Cheikh était connu pour faire cela en cachette. Cheikh faisait cela en cachette. Parmi aussi ses comportements, il était connu pour prendre soin de ses élèves. Il était pour eux comme un père. Cheikh Rahimahullah donner des bourses à ses élèves et leur acheter toutes les fournitures nécessaires à leur apprentissage, que ce soit les cahiers, les stylos, les livres, etc. Cheikh Rahimahullah s'occupait beaucoup de ses élèves. Et de même qu'il donnait beaucoup d'importance à ce que ses élèves soient logés en bonne et due forme. Et Cheikh Rahimahullah accordait à ses élèves une assise par mois, où il commençait son assise par une parole où il conseillait les élèves dans leur apprentissage de la science, et ensuite il leur demandait d'écrire les remarques qu'ils avaient ou les demandes qu'ils voulaient faire concernant leur vie de tous les jours. Et s'ils n'avaient pas de questions ou de demandes, Cheikh Rahimahullah répondait à leurs questions directement. Parmi ses comportements aussi envers ses élèves, Cheikh Rahimahullah connaissait tous ses élèves et il savait lorsque l'un d'entre eux était absent. De même qu'il insistait beaucoup dans ses cours afin que ses élèves comprennent. Cheikh Rahimahullah n'hésitait pas à répéter jusqu'à ce que ses élèves comprennent la chose que Cheikh leur explique. De même qu'il leur confiait des sujets à traiter, des sujets à étudier, des hadiths à étudier. Et ce qui était aussi connu de Cheikh, comme je vous l'ai dit, c'était son intelligence. Et son intelligence, elle se voyait aussi dans son comportement avec ses élèves. Une fois, Cheikh Rahimahullah a donné un cours et il a vu qu'un de ses élèves était absent. Absent moralement. Il était là physiquement, mais il n'était pas là moralement. Il ne suivait pas le cours. Et Cheikh Rahimahullah avait remarqué ça de cet élève. Et Cheikh était connu pour beaucoup parler avec ses élèves pendant son cours. Soit il les arrêtait, ou bien il leur posait une question, etc. Et lorsqu'il a vu cet élève qui ne suivait pas le cours correctement, Cheikh Rahimahullah lui a dit: Tu as compris ce que je viens d'expliquer? L'élève a dit: Inch'Allah, ya Cheikh. Inch'Allah. Cheikh Rahimahullah, de suite, lui a posé une autre question, lui a dit: Est-ce que Al-Shamar, c'est le voile rouge que mettent les gens en Arabie? Cheikh Rahimahullah dit à cet élève: Est-ce que le chamar est sur ta tête? L'élève a dit: Oui, il est sur ma tête. Naam. Cheikh Rahimahullah a dit: Eden, donc tu n'as pas compris le cours. Parce que quand je t'ai demandé est-ce que tu as compris le cours, tu m'as dit Inch'Allah. Et lorsque je t'ai demandé est-ce que le chamar est sur ta tête, tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui parce que tu étais sûr. Et tu as dit Inch'Allah parce que tu n'étais pas sûr. Et ensuite, Cheikh Rahimahullah a réexpliqué la mas'ala afin que son élève le comprenne. Pour montrer, Rahimahullah, comment Cheikh était intelligent. Parmi aussi ses comportements, c'est le respect qu'il avait pour les gens de science, pour les savants. Une fois, il était invité à l'ouverture d'une grande tajila, je ne sais pas comment traduire tajila, une audiothèque. Tajila islamique, hein, sans prière. Ouais, Cheikh Rahimahullah était invité à l'ouverture d'un magasin qui vend des cassettes audio islamiques. Un grand magasin à Jeddah, Cheikh Rahimallah était invité, comme je vous ai dit, à l'ouverture. Et donc, il marchait dans les allées de ce magasin. Et chaque savant était séparé. Les cassettes des savants étaient séparées. Et le nom de chaque savant était noté sur une espèce de planche avec le nom du cheikh écrit en gros. Et en dessous de la planche, il y avait toutes les cassettes correspondant à ce cheikh. Et Cheikh Rahimallah a marché dans les allées de ce magasin et arrivé au coin de Cheikh Al-Albani, des cassettes de Cheikh Al-Albani, il a vu que le nom de Cheikh Al-Albani était marqué en tout petit. Fait Cheikh Rahimallah s'est énervé et a ordonné qu'on change cette plaque et qu'on écrive le nom de Cheikh en plus gros. Et ne comprenait pas pourquoi est-ce que le nom de Cheikh Al-Albani est écrit en petit alors que le nom des autres savants est écrit en grande taille. Et Cheikh Rahimallah a ordonné qu'on change cette plaque et qu'on mette le nom du Cheikh plus en valeur. De même que Cheikh Rahimallah parlait beaucoup en bien et citait les bienfaits et faisait les éloges de ses professeurs, comme Cheikh Sa'di Rahimallah, Cheikh Ibn Baz également. Quant à son adoration, Cheikh Rahimallah faisait le pèlerinage tous les ans depuis des années et des années. Parmi aussi ses adorations, il faisait la Umrah pendant le Ramadan, tous les Ramadans, et également pendant les vacances scolaires. Cheikh Rahimallah faisait aussi la Umrah pendant les vacances scolaires. Parmi aussi les actes d'adoration que Cheikh faisait, c'était Qiyam al-Layl, la prière nocturne. Et ceci même quand Cheikh Rahimallah était très fatigué. Un de ses élèves raconte et dit qu'ils étaient partis à Riyad avec Cheikh. Ils avaient des choses à accomplir là-bas. Et ensuite, de Riyad, ils sont partis à Jeddah. Et ensuite, de Jeddah, ils sont partis à Mecca pour faire la Umrah. Et après avoir fait la Umrah, l'élève raconte et dit, on était pris d'une fatigue qui nous a emmenés à dormir de suite. Parce que je ne sais pas si la Umrah, vous savez que c'est quelque chose de très éprouvant. Surtout quand on vient de voyage. De suite faire une Umrah, après la Umrah, on est HS. On est vraiment très fatigué. Et cet élève le dit qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils ont dormi de suite. Et ensuite, il raconte que dans la nuit, il s'est levé pour aller faire ses besoins, donc cet élève. Et il a été surpris de voir Cheikh Rahimallah debout en train de prier la nuit. Malgré cette grande fatigue qui l'a précédée. Rahimallah ta'ala. De même que Cheikh Rahimallah était connu pour sa modestie. À l'époque, le mufti de l'Arabie, qui est Mohamed ibn Ibrahim, al-Sheikh, a désigné par décret, a désigné Cheikh ibn Uthaymeen comme étant un juge. Il lui a donné la fonction de juge. Et Cheikh Rahimallah a fait les démarches, toutes les démarches nécessaires et a mis toutes les pressions possibles pour que cette tâche lui soit enlevée, pour ne plus qu'il soit juge. Et après maintes et maintes efforts, le mufti, Mohamed ibn Ibrahim, a cédé à la demande de Cheikh et il lui a été enlevé ce statut de juge. Cheikh Rahimallah l'avait refusé par modestie. Ça, c'est tout le contraire de nous. On veut quelque chose, on fait tout notre possible pour l'avoir. Et Cheikh ibn Uthaymeen, Rahimallah, fait tout son possible pour que cette chose lui soit enlevée. Il était modeste malgré son âge avancé et malgré sa grande science. Il n'hésitait pas à demander à ses élèves directement. Pendant son cours, par exemple pendant un cours où Cheikh Rahimallah a parlé d'un sujet dans le fiqh et a donné son avis dessus et a dit en parlant d'Ibn Hazm Rahimallah qui est un des savants de l'islam, a dit Ibn Hazm nous contredit sur ce sujet. Mais je ne connais personne qui l'a précédé à cela. Est-ce que l'un d'entre vous, en parlant à ses élèves, est-ce que l'un d'entre vous sait qui l'a précédé? Si quelqu'un le sait, qu'il nous le dise, je lui en serai très reconnaissant. Et ensuite le cheikh dit, aidez-nous, fasa'iduna barakallahu fikum. Aidez-moi, si vous avez quelque chose à ce sujet, je vous en serai très reconnaissant. Le grand savant, le cheikh Ibn Uthaymeen, qui dit à ses élèves, aidez-moi. Subhanallah. Cheikh Rahimallah, toujours comme je vous ai dit, quand on parle des savants, on parle de l'importance qu'ils donnaient au temps et comment ils préservaient leur temps. Cheikh Rahimahullah était un exemple dans la gestion du temps. Comme je vous ai dit, il était imam, il présidait la prière, il était professeur dans la mosquée, il donnait des cours dans la mosquée, il était professeur dans le jami'a, dans l'université de Unayza, il donnait le discours du vendredi, il répondait aux questions des gens par téléphone, il répondait aux invitations des gens lorsqu'ils avaient lorsqu'il y avait un mariage ou autre. Il assistait aux réunions à Riyad concernant le comité des grands savants. Comme je vous ai dit, c'était le membre des comités des grands savants d'Arabie Saoudite. Donc il faisait des réunions régulièrement à Riyad. Cheikh Rahimullah y assistait. De même qu'il s'occupait du logement de ses élèves. De même qu'il les visitait. Il s'asseyait avec eux et discutait avec eux. Il donnait des conférences partout en Arabie. Il donnait des conférences à l'étranger par téléphone. Il répondait aux questions écrites qui lui étaient posées. Et également, Cheikh Rahimullah enregistrait des émissions radio, des questions-réponses qui sont connues, qui sont appelées Nourun al-Darb, une émission de radio en arabie qui est appelée Nourun al-Darb. C'est une émission où plusieurs savants y passent, plusieurs savants y participent au fur et à mesure. Donc le savant donne une parole, donne une kalima, et ensuite il y a une question, et ensuite il y a une série de questions et réponses. Et Cheikh Rahimullah faisait tout cela dans sa vie. Parmi aussi les choses qui montrent comment Cheikh Rahimullah gérait son temps, par exemple, il l'acceptait, il autorisait qu'on lui pose des questions et qu'on lui lise des livres dans le trajet entre la mosquée et chez lui, donc lorsqu'il sortait de la mosquée pour aller chez lui. Mais par contre, il interdisait toute question lorsqu'il sortait de chez lui et qu'il allait à la mosquée. Parce que c'était le moment où Cheikh Rahimullah faisait l'istighfar, c'était le moment où Cheikh Rahimullah révisait le Coran. Donc lorsqu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée, il était impossible, Cheikh Rahimullah refusait qu'on lui pose des questions ou qu'on lui lise des livres. Cheikh Rahimullah plaisantait aussi, le prophète alayhi salam plaisantait et nous disait que la vérité, il en est de même pour Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Parmi les fois où Cheikh Rahimullah a plaisanté, une fois il est sorti de la mosquée de la Mecque et il avait des choses à faire dans un endroit un peu éloigné de la Mecque qui méritait d'y aller en voiture. On pouvait aller qu'en voiture. C'était trop loin, on ne pouvait pas y aller à pied. Cheikh Rahimahullah arrête un taxi. Il monte dans le taxi et comme dans l'habitude des taxis, il commence à parler, à faire connaissance avec la personne. Le taxi lui dit « Man est Cheikh ?» Parce que le Cheikh est habillé. Hein. « Qui est le Cheikh ?» Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit « Ibn Uthaymeen ». Et l'homme, le taxi, rigole en faisant un peu, en hochant un peu la tête. Pourquoi ? Parce que pour lui, il trouvait que c'était un manque de respect envers les savants de dire qu'on est un savant. Il haussait la tête pour dire, pour montrer son désaccord sur le fait de plaisanter comme ça sur les savants, de dire moi je suis un tel. Et Cheikh Ibn Uthaymeen lui dit, Eman el Akh, et le frère c'est qui ? Et le taxi, il s'est dit, c'est Cheikh Ibn Baz. Moi, je suis Cheikh Ibn Baz. Si toi, tu es Cheikh Ibn Baz, moi, je suis Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullahi alayhi, a rigolé. Il lui a dit, mais Cheikh Ibn Baz, il est aveugle. Les aveugles, ça ne conduit pas. Et le chauffeur de taxi a commencé à réfléchir. Il s'est dit, mais c'est peut-être Cheikh Ibn Uthaymeen, ça. Et il a compris ensuite que c'était bel et bien Cheikh Ibn Uthaymeen et il s'est trouvé dans une situation un peu difficile à gérer. Parmi aussi les fois où Cheikh Rahimullah a plaisanté, il y a un homme qui est parti de Jeddah à Médine Et comme vous savez, et de Médine ensuite, de Médine à Jeddah, afouane. Il partait de Médine à Jeddah. Et le Miqat Dhul Hulayfa, il est très proche de Médine, il est à peu près à une dizaine de kilomètres. Et en avion, c'est une période très courte après le décollage. Quand vous allez en avion de Médine à Jeddah et que vous devez faire l'Ihram avant le Miqat ou au moment du Miqat, au moment de traverser le Miqat, il y a un temps très court entre le décollage et le moment où l'avion passe au-dessus du Miqat. Pourquoi ? Parce que le Miqat est près de Médine. Et cet homme-là a voulu appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire l'ihram, d'avoir l'intention de faire la umrah, en étant sur le Miqat. Et dans l'avion, dans les avions en Arabie, ils disent aux gens, hein, attention, dans quelques instants, l'avion va passer au-dessus du Miqat. Et cet homme attendait ce moment-là, et le sommeil l'a envahi. Il a été pris par le sommeil et ne s'est réveillé qu'un peu de temps après que l'avion est passé le Miqat. Donc à son arrivée à Jeddah, à la Mecque, lorsqu'il a vu Cheikh Ibn Taymin, il lui a posé la question, il lui a dit: Cheikh, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai voulu appliquer la sunna, j'avais une bonne intention, je voulais faire l'ihram au moment où l'avion passe au-dessus du Miqat. Et Cheikh l'a d'abord conseillé. Et ensuite cet homme a demandé à Cheikh: qu'est-ce que je dois faire, quel est le jugement sur ce qui vient de m'arriver? Le Cheikh a d'abord commencé par lui conseiller, lui dire que dans l'avion il est autorisé de faire l'ihram avant le Miqat pour être sûr de le faire avant, parce qu'en avion on n'est jamais sûr du moment exact où l'avion passe au-dessus du Miqat. Donc il est autorisé de faire l'ihram peu de temps avant. Et ensuite le Cheikh lui a dit, et concernant le jugement sur ce que tu viens de me demander, tu dois égorger un mouton et donner la viande aux pauvres de la Mecque. Et l'homme, en rigolant, lui a dit: Cheikh, sur le cerveau ça ne me suffit pas, la prostration de la distraction ça ne me suffit pas sur ce sujet. Et Cheikh rahimahullah lui a dit: sujou de sahouika ذبح شاة وفرقه على فقراء المدينة. Cheikh rahimahullah dit: ta préservation de la distraction dans ce jeu de sahou, c'est de dégorger une bête et de distribuer la viande aux pauvres de la Mecque. Et aussi il y a beaucoup d'histoires où, surtout dans les cours que Cheikh rahimahullah, al-miqat, ce sont des zones. Il y a 5 miqat en islam. Lorsqu'une personne veut faire la Umrah ou le Hajj, en fonction du pays où il habite, il y a un miqat. En islam, il y a 5 miqat qui sont autour de la Mecque. Donc il y a la zone, par exemple, pour ceux qui viennent du Yémen, ils ont un miqat, ils ont une zone à ne pas franchir sans avoir fait l'intention de l'Ihram. D'accord ? Il y a aussi ceux qui habitent en Syrie, en Jordanie, ils ont un miqat. Ceux de Médine, ceux qui habitent à Médine et au nord de l'Arabie, ils doivent passer par Dhul Hulayfa, qui est un des noms du Miqat. Le Miqat, c'est une zone établie par la religion, un endroit que la personne qui veut aller à la Mecque pour faire le Hajj ou la Umrah ne doit pas dépasser sans avoir fait l'intention de l'Ihram. Ouais. C'est un périmètre. Hein. Par exemple, Dhul Hulayfa, il a quelques kilomètres de Médine. Il a plus de 430-440 kilomètres de la Mecque, Dhul Hulayfa. Donc ça dépend du pays où habite la personne. En fonction du pays où tu habites, en fonction de l'endroit où tu viens, t'as un miqat bien défini que tu ne dois pas dépasser sans avoir fait l'intention de l'Ihram. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de moments où Cheikh Rahimallah a fait rire les gens à la Mecque, dans la mosquée, dans son cours, où il y a des hommes qui viennent, qui posent la question. Parce que Cheikh Rahimallah, dans son cours qui est donné à la Mecque, c'est un cours où Cheikh Rahimallah fait beaucoup participer les gens. Et je me souviens, avec les frères, on ne voulait pas s'asseoir devant Cheikh. Parce que Cheikh avait trop l'habitude de demander aux gens, quand il parle dans son cours, il donne son cours, et puis tout d'un coup il dit: un tel, lève-toi. Qu'est-ce que je viens de dire? Ou bien, c'est quoi la dua qu'on vient de citer? Cheikh Rahimallah faisait participer les gens qui étaient présents à son cours. Et beaucoup de frères ne voulaient pas être devant. Pourquoi? Pour pas être victime de. Pour pas être une des victimes, entre guillemets, de Cheikh. De peur que le chef dise lève-toi, il se retrouve comme ça à la mec devant tout le monde, le chef lui pose une question, il ne sait pas quoi répondre, il sait pas. Et une fois, il y a un homme qui est venu, un ami, une personne qui connaît pas, qui n'a pas de science dans la religion, il est venu par derrière Cheikh. Donc le Cheikh, lorsque Cheikh Rahimah donne son cours, il est entouré de personnes, même des personnes derrière lui. Et cet homme est venu de derrière, et a posé une question à Cheikh alors que Cheikh donne son cours. Déjà, je ne sais pas cet homme comment il a fait. Parce que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, quand on le voit, on n'ose pas lui parler. Il dégage une force, on ne peut pas. On est intimidé au fait de parler à Cheikh. Et cet homme-là, il est venu tranquillement derrière Cheikh. Il tape derrière le dos, Cheikh se retourne. Il lui pose la question. Cheikh, en rigolant, il dit non, c'est un tas, ça ne répond pas, on ne répond pas aux questions. Et les élèves, ils étaient stupéfaits par le comportement de cet homme. Et l'homme, il repose encore la question alors que Cheikh donne son cours. Et ensuite, Cheikh Rahimullah dit à ses élèves, est-ce que vous m'autorisez à ce que je réponde à cette personne, à cet homme? Les élèves ont dit oui, bien sûr. Et ensuite, Cheikh Rahimullah a répondu à ces questions. Donc, ça c'était sur les plaisanteries de Cheikh Rahimullah Ta'ala. Parmi aussi les moments importants ou les moments émouvants de la vie de Cheikh Rahimullah, c'est le dernier cours qu'il a donné dans la Masjid al-Haram. Le dernier cours qu'il a donné dans la mosquée de la Mecque. Donc comme je vous ai dit, Cheikh donnait des cours à la mosquée de la Mecque pendant la période du Hajj et pendant la période du Ramadan. Et le dernier cours que Cheikh a donné, c'était la 30e nuit du Ramadan à la Mecque de l'année égyrienne 1421, donc l'année 2001. Et Cheikh Rahimahullah, ce jour-là, donc c'était lorsque Cheikh Rahimahullah était malade, dans la phase finale de sa maladie. Cheikh Rahimahullah est décédé d'un cancer. Et ce jour-là, Cheikh Rahimahullah était très fatigué le matin de ce jour. Et les médecins ont ordonné que l'on hospitalise Cheikh et qu'on l'emmène à Jeddah. À Jeddah qui est éloigné de la Mecque d'à peu près 70 km. Et Cheikh Rahimullah a été hospitalisé et il est rentré dans les soins. Il a été sujet à des soins intensifs. Son état était très faible et son état a justifié des soins intensifs. Donc Cheikh Rahimullah a subi des soins intensifs pendant 4-5 heures à peu près. Et lorsqu'il s'est senti un peu mieux, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Il a dit, je veux aller à la Mecque donner mon cours ce soir à la mosquée. Subhanallah. Dans sa phase finale quasiment de la maladie, alors qu'il était dans les soins intensifs, Cheikh Rahimahullah a demandé à ses enfants d'aller à la Mecque, qu'on l'emmène à la Mecque et qu'il puisse donner son cours dans la mosquée Masjid al-Haram. Et ses élèves ont insisté à Cheikh, ont dit, Cheikh, c'est pas possible, tu es en soins intensifs, on peut pas t'emmener à la Mecque comme ça, ton cours, etc. Cheikh Rahimullah a insisté, a dit, ne me privez pas de ce bien, c'est le dernier jour, la dernière nuit du Ramadan, je veux absolument aller à la mosquée et donner mon cours. Et donc les élèves, ses enfants plutôt, ont cédé aux demandes de Cheikh. Et il a été transporté en ambulance à la Mecque. Et Cheikh Rahimahullah, dans la mosquée de la Mecque, il avait une salle, une chambre qui était réservée pour lui. Une chambre médicalisée. Avec un lit, avec tous les appareils médicaux nécessaires. Et Cheikh Rahimahullah est rentré dans cette salle, donc dans la Mecque. Donc les gens ne le voyaient pas. Les gens qui ont assisté à son cours ont seulement entendu sa voix. N'ont pas vu. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé dans cette salle, il a demandé à faire les ablutions, il a fait ses ablutions, il est arrivé un peu avant Salat al-Isha, ou un peu après Afwan, et Cheikh Rahimahullah a pris le Maghrib al-Isha, en les rassemblant à l'heure de l'Isha, et ensuite il a demandé qu'on le prépare pour qu'il donne son cours. Et il était sous assistance respiratoire, il avait des tuyaux dans sa bouche et dans son nez. Et lorsqu'il était préparé pour donner son cours, que le micro a été approché de lui et que les appareils d'assistance respiratoire ont été enlevés, Cheikh Rahimullah a commencé a donné son cours. Il a parlé de l'Aïd et il a répondu à des questions-réponses. Et c'était un cours, déjà qu'on entend la voix de Cheikh affaiblie, et que Cheikh dit c'est le dernier cours que je donne de cette année dans la mosquée du Haram, dans la mosquée de la Mecque. Les gens étaient très émus déjà de la voix de Cheikh, de sa faiblesse, et beaucoup pleuraient pendant son cours. Rahimahullah ta'ala. Et c'était effectivement le dernier cours qu'il a donné dans la mosquée du Haram. Et les médecins étaient étonnés de Cheikh, rahimahullah, étaient étonnés qu'une personne qui est malade dans une phase finale ait la force de parler et de donner un cours comme Cheikh Ibn Azim, rahimahullah, l'a fait. Et ensuite, dès qu'il a fini son cours, Cheikh, rahimahullah, a parlé aux médecins et leur a dit « Vous vouliez me priver de ça ?» Cheikh Rahimullah, à la fin, il était apaisé, il a fait ce qu'il voulait faire, et il a dit au médecin, c'est de ça que vous voulez me priver ? Rahimullah ta'ala. Parmi les dernières heures qu'il a vécues, ceux qui étaient présents à ses côtés ont dit que Cheikh Rahimullah parlait très peu. Il parlait très peu, mais faisait beaucoup alhamd. Il disait beaucoup alhamdulillah et l'istighfar aussi. Il demandait beaucoup le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il faisait beaucoup à tayammum, car dans son état, Cheikh Rahimahullah ne pouvait faire que tayammum, mais il le faisait souvent. Et des personnes ont demandé à ses enfants, pourquoi est-ce que Cheikh fait tayammum? Et ils lui ont répondu, il fait tayammum parce qu'il le fait tayammum avant de lire le Coran. Subhanallah, dans son état, Cheikh Rahimahullah, déjà pour lire le Coran, les savants sont unanimes que de lire sans toucher le mushaf, il est autorisé même si la personne est en état d'impureté. On peut lire le Coran sans le toucher, même en état d'impureté. Et il est préférable, dans tous les cas, de lire le Coran en état de pureté. Mais c'est préférable, c'est une sunna. Et Cheikh Rahimallah, dans son état, il ne délaissait pas cette sunna du prophète. Et avant de lire le Coran, ne serait-ce que le lire sans prendre le mushaf, Cheikh Rahimallah faisait ses ablutions avec tayammum et ensuite lisait le Coran. Et ceux qui étaient à ses côtés disent aussi que avant que Cheikh Rahimallah tombe dans le coma et meure quelques heures après, la dernière chose qu'il faisait, c'était lire le Coran. Il lisait le Coran juste avant d'être tombé dans le coma. Et Cheikh Rahimallah est décédé un mercredi, le 15 du Shawwal, donc 15 jours après le dernier dars qu'il a fait à la Mecque. 15 jours après de l'année 1421. Et les gens ont prié sur lui dans Al-Masjid al-Haram, dans la mosquée de la Mecque, le lendemain, le jeudi, après Salat al-Asr. Et des centaines de milliers de personnes ont prié sur lui. Et Cheikh Rahimallah a été enterré dans le cimetière de la Mecque. Certains disent qu'il a été enterré à côté de Cheikh Ben Baz, mais Allahu A'lam, je n'ai pas de confirmation sur cette information. Et ceux qui l'ont lavé ont dit qu'ils ont vu une lumière dégagée de Cheikh, que Cheikh Rahimallah dégageait une lumière et qu'un sourire apparaissait dans son visage. Rahimallah ta'ala. Wa bihada intahayna min tarjamat al-Sheikh Ibn Uthaymeen. Donc nous avons terminé la biographie de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh, et la semaine prochaine on parlera de la vie de Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.